Anglais, les Français, ils ont connu des temps difficiles et la musique leur permettait d'exprimer leur joie et leur peine. C'est un métissage musical très riche. Comment ça, tu sais ça? Eh bien, je lis Bazar. Disponible gratuitement chez 300 partenaires participants. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet avec vous au choix musical et à l'animation en ce 21 juin 2014, enfin l'été, première journée de l'été. J'espère que vous êtes prêts. On n'a pas vraiment de show de prog cet été, mais on va pouvoir écouter de la bonne musique puisqu'on était avec vous toutes les semaines pour l'émission Terra Incognita, ou presque, puisque ça arrive des fois qu'on a des petites vacances. Alors, on a ce soir donc des nouveautés, deux nouveautés et plusieurs disques récents, des trucs en fait, tout, à peu près plein de pièces qu'on n'a jamais écoutées, qu'on n'a jamais eu l'occasion de partager avec vous. Alors, on va débuter avec la formation mexicaine Cast qui sont des vieux routiers, hein, c'est depuis 1994, c'est leur 18e album. Donc, du Mexique. Un album qui porte le titre de Arcis. C'est assez rapproché du précédent qui était Arts en 2011, qui était un peu moins bon, franchement, que Originalis, là, celui de 2008. Là, moi, c'est celui qui j'ai trouvé un des meilleurs là, dans les récents casts. Donc, celui-là, ben, il est pas mal bon. Il est meilleur, en tout cas, à mon avis, que Arts. Arcis, donc, il s'agit en fait de une très longue pièce de 30 minutes, Il Liada, qui est séparée en 8 parties. Ensuite, il y a une pièce de 18 minutes, donc ça fait 48 minutes. Ça fait donc deux pièces, mais en fait, il y a 11 pièces. Mais évidemment, c'est tout enchaîné pour les 8 premières et tout enchaîné pour les 3 suivantes. En fait, on va en écouter deux extraits de la longue pièce, La Liada. Alors, ça serait Andromaca et Batalla Interrumpida. Alors, on y va tout de suite avec Cast, puis on vous parle après ça de la seconde nouveauté qui est Solar Project, un groupe de l'Allemagne. Leur plus récent album aussi, ça vient tout juste de sortir, Aquarmada. Mais d'abord, Cast. We'll be right back. Le groupe mexicain Cast, tiré de leur plus récent album intitulé Arcis, c'était un extrait de la longue pièce La Yada, les deux pièces Andromaca et La Batalla Interrumpida. Donc c'est un très bon disque, je vous le recommande. C'est très dynamique, mais il y a des bouts qui sont beaucoup plus rock, des beaucoup plus classiques, comme on a pu le constater dans cette pièce-là. C'est un mélange. Il y a des pièces chantées en espagnol. Et donc un très bon disque Arcis, donc de la formation Cast. Alors comme deuxième nouveauté ce soir, on a Solar Project, qui est un groupe de l'Allemagne que j'ai découvert à la fin des années 90. Début 2000, avec un album qui avait fait paraître en 97. Et c'est une formation qui n'est pas toujours égale, si on veut, dans la qualité des disques. En 2004, Force Majeure était excellent. Et ensuite, le plus récent album datait de 2007 et c'était moins bon, Cro-Magnitude. Donc, ça faisait déjà 7 ans que la formation avait fait paraître un album, puis cette fois-là, mais il est vraiment, vraiment très bon. Aquarmada, j'ai écouté ça plusieurs fois cette semaine, puis c'est le fun à écouter. Il y a un mélange dans ça. Les guitares sont. Ça fait penser à Pink Floyd. C'est pas mal. La pièce que j'ai choisie pour vous, c'est différente un peu là, de l'ambiance de l'album, qui a plusieurs bonnes pièces, je dirais. Il y a peut-être 2 pièces qui sont plus faibles sur les 8, 2-3 pièces qui sont peut-être un peu plus faibles sur les 8, mais encore que j'ai pas tout absorbé de cet excellent disque Aquarmada. On ira avec la pièce The Meaning of It All, Back and Forth, et ce sera suivi de la formation Third Degree qu'on a pu voir à la convention Terra Incognita, et du plus récent disque de Long Division. Ça aussi, j'ai eu pas mal de plaisir à écouter ça. C'est une musique, disons que c'est des gens qui se prennent pas trop au sérieux, mais il y a des textes très sérieux dans ça, puis il y a une musique surprenante qui sait nous surprendre, je dirais ça. Alors, ça sera une pièce, ce n'est pas une pièce qu'ils ont interprétée, c'est la pièce Exit Strategy, excellente, de ce plus récent album de la formation américaine Third Degree et de Long Division. Mais tout d'abord, Solar Project de l'Allemagne. that we've lost and will never get back. But the patterns of sand reveal themselves after the gravity. So I've got an exit strategy, but it's flawed. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Toutes les couleurs du monde sont à Mondo Carnaval Culture en Fête à Québec, les 27, 28 et 29 juin, au lieu historique national du Canada, quartier Brébeuf. Venez vivre 3 jours d'activités intenses avec au programme défilé carnavalesque haut en couleur, musique, danse, marché du monde, concerts en plein air et en salle avec la participation exceptionnelle de Québécois de différentes communautés venant des Premières Nations, d'Afrique, des Antilles, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe. Pour plus d'informations, mondocarnaval.com. Tous les soirs du 3 au 13 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. Radio Radio, Tire le Coyote, Vincent Vallière, Saint-Vincent, John Mayer et plus. L'imposante programmation en salle présentée par Groupe Voyage Québec vous attend. Venez applaudir les artistes que vous aimez et découvrir les vedettes de demain dans une formule plus intime à l'Impérial, au Petit Impérial et au Cercle. Laissez passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Dry. De retour avec Bruno et Marc, on a déjà la première demi-heure de passé. On a terminé ça avec la formation américaine Third Degree, et tiré de leur plus récent album The Long Division, la pièce Exit Strategy, et on avait également eu Solar Project de l'Allemagne, et leur plus récent album Aquarmada. On poursuit maintenant avec un groupe qu'on pourra voir ici au Festival d'été à Québec, très bientôt, le 12 juillet, en première partie de Meridian. Alors, le spectacle progressif du Festival d'été de Québec, donc le 12, et la formation de Deep Project. On a Stéphane Desbiens qui est venu nous présenter en exclusivité son album. Il est maintenant disponible, distribué par Universal, disponible dans tous les magasins. Et je suis bien content également que les gens puissent faire la découverte de Deep Project, leur 4e disque, donc intitulé « Making Sense ». Et on fera un petit doublé. Donc, on a Making Sense, la pièce What is Real, du plus récent Deep Project. Et on aura également, bon, on fait un petit retour en arrière avec Jupiter 9. En fait, Jupiter 9, c'est le disque de Mathieu Gosselin qui joue de la basse et que ça avait été produit par Michel et son étiquette Ipso Facto en 2005. Et la pièce Cartoon sur laquelle il y a également Stéphane Desbiens qui joue de la guitare. Alors, on aura un petit doublé québécois si on veut. Hein. C'est pour la Saint-Jean-Baptiste, du bon québécois progressif. Et on aura également, parlant de québécois progressif, également Shatters qui vient de faire paraître son premier disque. Donc, on aura un extrait du disque de Shatters également qui jouera. Et voilà, je l'ai ici. Il s'agit du disque intitulé « L'abysse des pensées » et on aura la pièce « Plane Shift » qui ouvre cet album. Donc, un petit trio musical québécois avec de Deep Project, et Jupiter 9, la pièce « Cartoon » et également la pièce de Shatters « Plane Shift ». Sur les ondes de CKRL, c'est le groupe de Montréal, House. Leur premier album, Despite Guardian Angels, et la pièce Beyond the Amstel. Alors, House, ça, en français, c'est UI, H-U-I-S. Et, un excellent groupe de Montréal. C'était ce qui terminait notre bloc de musique rock progressive québécoise. Puisqu'on s'approche de la Saint-Jean-Baptiste, vous le savez, et qu'on fête toujours ça à Terra Incognita. Alors, juste avant, il y a eu le groupe de Québec Shatters, leur premier album L'Abysse des Pensées. C'était la pièce Plane Shift, une pièce instrumentale. La plupart des autres pièces sont chantées sur cet album. On avait eu juste avant Jupiter 9, le projet de Mathieu Gosselin, qui sera avec qui a participé à Sense, mais qui sera avec The Deep Project, avec l'album Making Sense, qui sera présenté sur les plaines d'Abraham en première partie du groupe Meridian le 12 juillet, dans le cadre du Festival d'été de Québec, sur la scène du Pigeonnier. Elle s'appelle comment maintenant? La scène de l'Auto-Québec. Voilà. Alors, j'imagine. Alors, manquez pas ça. Et il y avait eu, justement, tiré de Making Sense, la pièce What is Real. Alors, on s'en va en pause et au retour, un bloc italien avec d'Italiens qui sort de l'ordinaire, Nodo Gordiano et également Egonon. Ça, c'est juste au retour des pauses. Bruno et Marc avec vous jusqu'à minuit. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Maintenant, à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Stéphanie n'a pas gagné de médaille, ni de prix honorifique. Elle ne fera pas de discours et ne signera pas d'autographe.

Le groupe italien Nodo Gordiano, tiré de l'album Nous, et c'était la pièce éponyme. C'est leur quatrième album. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est une belle ambiance. Quelque chose d'intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter ça. Je l'ai écouté en boucle cette semaine. Et le prochain disque, c'est justement le disque que j'ai écouté en boucle la semaine d'avant. Egonon, c'est un groupe italien. Ils ont réalisé un seul album. Ils sont de Venise, un premier disque. Et c'est un mélange, je dirais, de rock progressif, de musique du monde, de Moyen-Orient. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de pièces courtes, beaucoup d'ambiance intéressante. C'est vraiment le mélange avec la musique du monde est intéressant. On ira d'une pièce intitulée L'Uomo Libero, donc de Egonon, tiré de l'album Risveglio, donc leur premier disque de Egonon. Et ce sera suivi du groupe américain Little Atlas, tiré de leur plus récent album Automatic D, et la pièce Oort. Mais tout d'abord, Egonon. Mi sveglierò accanto al mio corpo e accenderò la TV e spegnerò quei ricordi che turbano il sonno dei sentimenti ed aggravano il peso dei rimpianti. E c'era una donna là, c'era una casa là, c'era un bambino e ormai non c'è nessuno. E cercai una donna che mi odiasse abbastanza da condividere l'odio che ho per me stesso, mi odiasse abbastanza farmi sentire un po' meno invisibile. So, non ho paura, no, non ho paura, ma ho una speranza, sì, ho una speranza. Navigherò sopra il cielo e vedrò angeli incontro intorno. Coraggio di perdere le mie battaglie, false battaglie, per poter vincere la vera guerra che dentro. Non ho paura, no, non ho paura, ma ho una speranza, sì, che ho una speranza. Devo più sottomettermi. devo più sottomettermi. Thank you.

Drop off. La formation américaine Is, tirée de leur album Ampersand, ça date de 2004. Et finalement, c'est à la convention, donc j'ai pu discuter avec les musiciens, puis ils m'ont recommandé ce disque, et franchement, j'étais pas déçu du tout de mon achat, c'est très bon, très bon. C'était la pièce Ancient Memory. Juste avant, il y avait eu Half Past Four de Toronto, leur second album, Good Things, et c'était la pièce éponyme. Alors, on va terminer l'émission en Italie avec le groupe Not a Good Sign. Ils ont réalisé un premier disque en 2013 et sont à travailler sur un second disque actuellement. C'est des musiciens de plusieurs formations connues en Italie qui se rassemblent pour faire ce projet Not a Good Sign. Et on écoutera les pièces Almost, un partie 1 et partie 2. Et on vous revient pour le mot de la fin. runs deep in my bones. Under the skin, in the frozen wind. Le groupe italien Not a Good Sign sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Et c'est presque tout pour nous déjà. C'était les pièces Almost, Part 1 and 2, de l'album éponyme, en fait, leur premier disque éponyme. Juste avant, il y avait eu Is et Half Past 4. Alors, on va se laisser sur les notes du groupe italien In Grande Gidre Vade. C'est un groupe... Un nouveau disque, intitulé In Oxigno. On se laisse sur les notes de Mare in Tempesta. C'était Marc Chaunet et Bruno Côté avec vous depuis 22h en cette édition du 21 juin 2014 de l'émission Terra Incognita. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Specchio adriatico, notte porta dubbia spene. Ci perdiamo alle spalle, ogni figli e campagne. Compiremo la strage per la sacra verità.